as trop voulu jouer avec mon cœur. Tu as trop voulu jouer à me faire peur. Tu as trop voulu jouer les sans rival. Et tout ça pour que j'ai mal. Tu as trop voulu jouer à me tromper. Tu savais que j'en souffrais. Tu savais que je t'aimais. Mais ce n'est plus vrai. Ciao, ciao, tout est bien fini. Ciao, ciao, c'est comme ça la vie. Ciao, ciao, ne t'en fais donc pas. Un jour on se reverra. Ciao, ciao, tout est bien fini. Ciao, ciao, à nous de la vie. Ciao, ciao, je vais m'amuser. L'indifférente, tu as trop voulu jouer l'indépendante, tu as trop voulu jouer la femme fatale, et tout ça pour que j'ai mal. Tu as trop voulu jouer à me duper, tu savais que j'en souffrais, tu savais que je t'aimais, mais ce n'est plus vrai. Fais donc pas.